Peine capitale, a dit le juge. Heureux le public applaudit. Enfin je cherche un refuge, mais pour moi tout est fini. L'assassin. Le juge a dit, chaise électrique, j'ai peur, je tremble de tous mes membres. Je respire comme un asthmatique lorsqu'on m'emmène dans la chambre des assassins. Thank you.